disais, s'il te plaît, aux marches du palais. Tu disais, s'il te plaît, viens jouer avec moi. Tu disais, s'il te plaît, il fait froid, chauffe-moi. Tu disais, s'il te plaît, il fait noir, attends-moi. Tu disais, s'il te plaît, venez. Tu disais, s'il te plaît, et s'il te plaît, courez. Tu disais, s'il te plaît, et s'il te plaît, c'était moi. Tu disais, s'il te plaît, aux quatre coins du lit. Tu disais, s'il te plaît, je n'aimerais que toi. Tu disais, s'il te plaît, marie-toi avec moi. Tu disais, s'il te plaît, viens dormir avec moi. Tu disais, s'il te plaît, et s'il te plaît, rêvais. Tu disais, s'il te plaît, et s'il te plaît, t'aimais. Tu disais, s'il te plaît, et s'il te plaît, c'était moi. Tu disais, s'il te plaît, dans le mi-temps du lit. Tu disais, s'il te plaît, j'ai dîné, n'attends pas. Tu disais, s'il te plaît, tu ne rentrais pas. Tu disais, s'il te plaît, j'aime une autre que toi. Tu disais, s'il te plaît, pleurais. Tu disais, s'il te plaît, et s'il te plaît, mourrais. Tu disais, s'il te plaît, et s'il te plaît, c'était... Tu disais, s'il te plaît, la rivière est profonde. Tu disais, s'il te plaît, et je suis seule au monde. Tu disais, s'il te plaît, et je ne suis pas blonde. Tu disais, s'il te plaît, et tu te fous du monde. Tu disais, s'il te plaît, laisse-moi. Tu disais, s'il te plaît, et s'il te plaît, s'en va. Tu disais, s'il te plaît, et s'il te plaît, c'était... Quoi ?